qu'un vent la main, que votre chemin soit bon, qu'il mène vers le calme jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil et merci soit bon, qui brille d'amour au quotidien. Allez! We'll be right back. Thank you.